Lettre 9e. Agathoclès à Phocion, Rome, février 301. Tiridate va se rendre à Milan auprès d'Auguste Maximien. De là, il ira à Nicomédie, où l'on fait de grands préparatifs pour la guerre contre les Perses. Tiridate y voit le germe de sa grandeur future et l'espoir de remonter sur le trône de ses aïeux. Il paraît que Galerius l'aime. Dioclétien même ne lui est pas opposé. Son esprit adroit voit dans les justes prétentions de mon ami un moyen d'humilier l'insolent orgueil de la Perse qui ne veut pas les reconnaître. Narsès se fie sur sa nombreuse armée et sur le bonheur inouï de son aïeul Sapor. Les Romains, de leur côté, se rappellent que Valérius fut retenu prisonnier chez les Persans et qu'il perdit la vie d'une manière infâme. Ils brûlent de laver cette tache dans le sang de leurs ennemis. Ainsi, ces deux nations s'envisagent avec une fureur réciproque, et le monde entier, depuis la défaite de Valérius, attend avec impatience l'issue d'un combat entre des forces égales. Phocion, je sens mon cœur battre avec violence à l'idée des batailles, des hauts faits d'armes, des grands événements qui auront autant d'influence sur ma patrie. Mais la patrie seule ne produit pas cette agitation, c'est aussi le sort de mon ami. Le bonheur de toute sa vie dépend de cette guerre. Ses prétentions au trône d'Arménie sont justes, mais non celles qui l'intéressent plus encore à la femme de Serranus. Il aime avec passion Sulpicie. Il espère, par l'influence de Galerius, obtenir son divorce et la placer sur le trône. Tout est décidé et arrangé entre elle et lui. Ils n'attendent que le moment favorable. Tout cela me déplaît. Je ne puis te cacher que je voudrais pour beaucoup qu'il ne m'eût pas confié son secret. Il faut, ou que je perde mes peines et mes paroles à plaider contre un sentiment, suivant lui, irrésistible, ou que j'approuve ce qui est entièrement contre mon opinion. Ce projet ressemble à un rapt que l'on veut commettre après mûre réflexion, pour priver un individu de sa propriété. Qu'importe que Serranus n'ait ni des vertus, ni des qualités attachantes, et qu'il se livre avec autant de légèreté que de faiblesse à des plaisirs futiles. C'est sans doute un grand malheur pour Sulpicie d'être unie à un homme d'un tel caractère. Mais elle n'en est pas moins sa femme, et par la volonté d'un père et par son propre consentement. Le lien du mariage doit être sacré pour le rompre. Il faut au moins que les deux parties soient d'accord, et jugent ensemble qu'une séparation est nécessaire à leur bonheur réciproque. Alors il n'y a rien à dire. Personne n'est lésé. Mais il ne faut pas que le caprice ou l'inconstance de l'un des deux puisse en décider. Je vois également avec beaucoup de peine qu'Alpurnie approuvait ce projet, le soutenir même avec une étourderie inconcevable. Quelle femme serait qu'Alpurnie sans cette inconséquence d'esprit qui l'égare sans cesse et lui fait soutenir comme un principe fondamental que le plaisir et les jouissances sont le seul but de notre vie. Elle possède une infinité de qualités estimables. Elle est capable d'amitié, de dévouement entier pour ses amis. Elle fait des sacrifices avec gaieté. Pourquoi faut-il qu'avec des vertus si réelles, si nobles, elle se permette, avec une incompréhensible légèreté, d'afficher des opinions qui m'affligent et me blessent? Mais qu'elle est belle, Phocion. C'est incontestablement la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Je suis obligé d'en convenir, et je m'en veux de le sentir aussi profondément. Lorsqu'à demi couchée sur des coussins, elle pince sa lyre avec une main d'albâtre en faisant entendre doucement sa voix enchanteresse, ou que, dans une de ses attitudes inspirées, ses beaux yeux élevés au ciel, ayant dans tous les traits une expression divine, elle déclame les plus sublimes morceaux de nos poètes. Enfin, lorsque par une danse pantomime, elle déploie dans chaque mouvement autant de grâce que de vrais talents, oh Phocion, comme elle est séduisante, qui pourrait lui résister? Je n'ai vu qu'Alpurnie danser ainsi qu'une seule fois, car malgré ses principes épicuriens, elle ne manque point de cette modestie, l'attrait le plus sûr des femmes. Mais un jour, lorsque le soleil eut fait place au crépuscule, comme il n'y avait d'étrangers que moi, elle céda aux prières pressantes de son frère Lucius, qui paraît être son favori, et nous donna ce ravissant spectacle. Elle danse divinement. Elle a une légèreté, une précision étonnante. Ses mouvements, ses grâces, le jeu de sa physionomie font une illusion impossible à dépeindre. L'impression qui m'en est restée ne s'effacera jamais. Oh, Phocion, que l'homme est un être faible et misérable. Un simple jeu d'essence, sans aucun but noble ou légitime par lui-même, peut influer à ce point non seulement sur ses organes, mais sur son être spirituel, l'entraîner malgré lui, le disposer enfin à des actions que la raison, la vertu, désapprouve. Il n'est rien, non rien, que je n'eusse fait pour Calpurnie dans le moment de cette danse magique. Ce n'est donc pas assez d'être le jouet du sort, de la nature, de ses passions. L'homme est encore la victime des sens. Quel incroyable pouvoir possède la beauté! Et cependant, qu'est la beauté? Une illusion, une idée purement conventionnelle, dépendant du climat, des temps, des habitudes, que l'on ne peut soumettre à aucune règle générale. L'habitant des zones passe tranquillement devant les premières beautés de la Grèce, et ce qui nous paraît rebutant enflamme son imagination et son cœur. La beauté, les attraits ne sont donc au fond que le plaisir d'un instant, une forme à laquelle on est convenu de donner ce nom, une teinte sur la peau, une couleur dans les yeux, sur les cheveux, dont notre regard a l'habitude, des mouvements arrondis, gracieux, qui nous plaisent. Mais une plante se balance mollement sur sa tige, une fleur étale les couleurs les plus brillantes. Elles excitent notre admiration sans égarer notre raison parce qu'elles sont privées de sentiments. Et qui nous assure que cette figure enchanteresse qui nous séduit chez une femme avec tant d'empire et de violence n'est pas celle d'un être dont les sentiments, si elle en a, n'ont aucune analogie avec les nôtres? Je me suis répété cela 1000 fois en voyant Calpurnie développer ses grâces enivrantes. Je me suis efforcé de raisonner sur la nature et la source du sentiment que j'éprouvais pour en arrêter l'effet. Cela me réussit pour un instant, et à la minute d'après, tous mes calculs cèdent au pouvoir de ses charmes. Je commence à être très mécontent de moi-même. J'ai la conviction intime que Calpurnie ne pourrait me rendre heureux, et malgré cette persuasion. J'ai cessé de condamner Tiridate, de n'avoir pu résister à l'empire de la beauté, de manquer de force ou de volonté. De volonté. Me manquerait-elle donc? Non, Phocion. Je dois, à cet égard, me rendre justice. Oui, je veux résister. J'espère y parvenir. Si cette volonté positive, si ma raison, si mes principes ne me suffisent pas, la fuite du moins produira l'effet désiré. Calpurnie a donné ces jours passés une preuve qu'elle est non seulement une aimable amie, mais qu'il sait exécuter avec persévérance ce que son cœur sensible lui dicte au premier moment. Sulpice est malade à Bay. Des désagréments domestiques, la mauvaise saison et bien plus encore, la malheureuse passion qui la consume avait ébranlé sa santé. Elle craignait d'entreprendre le voyage, accompagnée seulement de ses esclaves. Cérinus, incommodé lui-même, ne pouvait aller la chercher. Calpurnie s'est décidée à ne pas abandonner son amie. À force de prières, elle a obtenu de son père la permission de se rendre à Bay, accompagnée d'un vieil affranchi. Elle est partie par un temps affreux, voyageant jour et nuit pour arriver plus tôt. Le lendemain, elle s'est mise en route avec Sulpici pour revenir à Rome à petite journée. J'étais présent lors de leur arrivée. Tiridate, qui avait perdu l'espoir de revoir Sulpici avant son départ, l'attendait avec une extrême impatience, une vive inquiétude. Elles entrèrent. Phocion, quel pouvoir peut se mesurer avec celui de l'amour ? Dispense-moi de te faire un récit de l'entrevue de ces malheureux amants, de leur ivresse, de leur peine, de leur bonheur, de leur désespoir. Il faut qu'ils se séparent, et leur avenir est dans une obscurité profonde. J'étais ému de cette scène, du dévouement de Calpurnie. Mais je veux résister à tant d'enchantements, je le veux, et j'espère le pouvoir. J'appelle aussi à mon secours cet objet idéal et céleste, ma Larissa, qui m'apparaît plus souvent encore depuis que je vois Calpurnie. Je l'ai là devant les yeux, soit que je dorme ou que je veille. Cette flamme si pure doit éteindre tout désir coupable. Elle éclaire ma volonté, elle double ma force. Quoique j'aie perdu tout espoir de la revoir jamais, je ne puis cependant m'empêcher de demander sans cesse au destin de nous réunir, et de penser que cela n'est pas impossible. C'est encore un de ces contrastes qui me tourmentent et me font rougir de moi-même. Mon esprit ne sera-t-il donc jamais tranquille? Mon âme doit-elle être continuellement agitée par les combats que se livrent des penchants opposés? Souvent, je me console par l'espérance que lorsque j'aurai quelques années de plus, la raison, le sang-froid, la philosophie produiront en moi ce calme, cette paix que je ne puis à présent obtenir de moi-même. Quelquefois aussi, il m'arrive de croire qu'une mort prématurée terminera les combats qui m'oppressent et me donnera bien plus sûrement encore le calme et la paix. À dire vrai, je n'en serais pas fâché. La vie ne m'offre plus rien qui me tente. Je puis, sans orgueil, sans prétention, dire comme un sage, « Je n'obéis pas aux dieux, mais je suis leur avis s'ils ordonnent que je finisse bientôt. » Dans le fond, qu'est-ce que la vie, Faucion? Elle a certainement un but souvent ignoré par nous-mêmes. Nous naissons, parce que dans les grandes vues de la création, nous avons quelque chose à faire, à empêcher. Cette tâche est-elle achevée, nous cessons d'exister. Il n'y a aucune règle fixe, aucun âge prescrit. Le destin place l'instrument à sa volonté, dans le temps qui lui convient, le fait agir suivant les circonstances, et sa destination une fois remplie, il brise cet instrument inutile. Mais où allons-nous après cette courte vie? N'y aurait-il aucune différence entre le sort d'une plante, d'un animal et celui d'un être capable de penser et de prévoir? Je ne puis le croire, mais voilà tout. Le reste est un mystère imposant qu'aucun mortel ne peut découvrir. Le Tartare, l'Élysée, sont un système suffisant pour ceux qui ne portent pas leurs pensées plus haut. Et sans doute il doit nous être sacré. Mais, Faucion, ne serait-ce pas l'idée la plus douce, la plus sublime, la plus consolante, que d'espérer de retrouver dans un lieu de paix et de félicité ceux qu'on a aimés sur cette terre? Heureux celui qui peut le croire aveuglément et sans le moindre doute. J'y retrouverai donc, ma chère Larissa. Oh, qu'il serait affreux de renoncer à cet espoir et de ne trouver, ni à l'école des philosophes, ni dans leurs écrits, la moindre certitude de cet avenir. En présentant des doutes sur l'Élysée, il n'offre aucun dédommagement. Il est à la fois curieux et triste de connaître ce que la plupart des hommes célèbres ont dit sur la vie future. Adrien croit rencontrer son ami dans des lieux inconnus et sombres où il n'y aura ni peine ni plaisir. Achille, comme nous le dit Homère, aimait mieux être un pauvre ouvrier sur cette terre qu'un roi dans le séjour des ténèbres. Mécène consentait à être sur la croix et souffrir les douleurs les plus cuisantes d'ici-bas, plutôt qu'à mourir pour renaître et vivre dans un pays inconnu. Ah, Faucion, quelle terrible idée ces hommes se faisaient-ils donc de leur existence après la mort? Qui pourra m'éclairer sur un objet aussi important? Le sommeil que nous nommons si souvent l'image de la mort, le serait-il en effet? L'oubli total de soi-même et de tout, le néant, serait-il notre partage? Peut-il adoucir l'effrayante idée de notre destruction? Cette seule pensée fait trembler l'être spirituel qui sent en lui le principe d'une vie mortelle. Platon a de hautes idées, mais elles ne contentent pas. Son Phédon ne saurait tranquilliser tout à fait l'incrédule. Les stoïciens et tous les autres philosophes ne nous offrent que des suppositions. Quand viendra-t-il celui qui nous montrera le chemin de la vérité, qui pourra tout à la fois franchir l'esprit de ses doutes cruels, satisfaire la raison et le jugement, relever par un espoir consolant l'âme abattue et avant tout mettre un frein au peuple grossier, le retenir dans le devoir par le respect, l'espoir et la crainte? N'est-il pas affreux de voir les progrès de l'incrédulité, le mépris pour les dieux et leur culte, non seulement dans les premières classes des habitants de Rome, mais aussi dans celles du peuple? Cette ancienne doctrine de la pluralité des dieux ne possède plus la magie inconcevable avec laquelle elle a su se maintenir et imposer aux hommes pendant des siècles. L'homme actuel, raffiné comme il l'est, a besoin d'un lien plus fort, d'idées plus raisonnables, soit de la divinité, soit du but qu'il doit atteindre. Il est impossible de rester indifférent sur les suites que l'anéantissement de toute religion doit amener immanquablement. L'avenir me paraît effrayant. Je tremble pour nos descendants plus encore que pour nous. Je ne puis me rendre maître de ces craintes qui viennent m'assaillir et dont je souffre doublement. C'est le sort malheureux de ceux qui, tourmentés ainsi que moi, par leur imagination, souffrent et des maux qu'ils ont, et de ceux qu'il prévoit. pour qui enfin le présent n'a plus de charme, l'avenir plus d'espérance. Plains moi, Phocion, et ne prive pas un malheureux visionnaire de ton indulgente amitié.